Maintenant tout de suite, le son du fanzine. C'est un petit, on va dire, un morceau a cappella improvisé de 30 secondes. C'est un poème surtout qu'on peut lire derrière notre, notre paroi capitonnée. C'est le roi des rats, tic de sujet de sonia, de tvom pom l'omlet de l'âne, qui en trestet percorisse, ses bion sur aliore, ve pot barlan sun, qui va faire l'af de papo, la laps pang di, sit seti, ver justion et etes impura, sedo amane von schleier, juste gewini la la loxe. Et le petit son électronique que vous entendez, ce n'est pas un effet, c'est la modulation des voix de Guillaume et de Mara ensemble. Quel miracle! C'est vrai que c'est fou. Ce poème s'appelle « The Maddest Melon ».